marcher sans savoir où il s'en va. Étranger dans une ville, perdu si loin de le pays. Si l'espoir existe, c'est pour eux. Pour qu'un jour ils s'émerveillent de voir au ciel devenu bleu l'hirondelle. Au chemin qu'ils prendront lorsqu'ils retourneront chez eux. Tout cela qui garde au fond du cœur les souvenirs d'un amour parti trop. C'est merveille de voir souriant devant eux la tendresse de rouvrir les bras. Et je chante pour cela, pour ceux qui rêvent déjà au chemin qu'ils prendront lorsque l'amour sera près d'eux. Pour qu'un jour ils s'émerveillent voir au ciel devenu bleu l'hirondelle revenir pour eux. Et je chante pour cela, pour ceux qui rêvent déjà au chemin.